vous êtes éméchés. La vie n'est plus flamèche, vous rallumez la mèche. Dans la nuit, la bougie vient éclairer ton bouge. Tu sens que le sol bouge. Ou bien ce sont tes pieds qui cherchent à voler. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que l'on soit sous la jupe de la vie, pour en voir les dessous. Vous êtes éméchés, vous n'êtes plus pain bêche, et vous voilà de mèche. Avec la lie de toute l'humanité, on sonne la lie de toutes vos vanités, car à l'heure des cloches, vous voilà invités. Et vous videz vos poches à la cour des miracles, où le vin est oracle. Vous êtes aviné, vous l'aurez deviné, dans le fond raviné. Du rade, les buveurs d'eau ne prennent pas le radeau de nos Eldorado. Les peaux rouges criards ne les ont pas pour cible, ils ne sont point sensibles aux poivrons et grillards, au flot du bateau ivre, que le vin les délivre.